excusez-moi pour ce petit retard. Au début, il y a eu un blanc, parce que la cassette m'a joué un tour, le lecteur de cassette. Parce que la cassette, elle fonctionne parfaitement. J'ai vérifié la semaine dernière, hein, vendredi soir, en rentrant, la cassette fonctionnait bien. Donc, c'est le lecteur qui ne marche plus, je dirais, de nouveau. Bon, voilà. Enfin, alors, le calendrier des esclavages et des libérations. Il faut libérer, y compris ceux qui veulent être esclaves, tout à fait volontairement. Hein. Ah oui, il y en a comme ça qui se complaisent dans le... Hein. Bon, voilà. Enfin, bon. La technologie du petit chat, disait l'autre. Hein. Le 26 juin 1703, en France, un arrêt arbitraire interdit de jouer des pièces de théâtre en entier. On ne représentera que des scènes détachées, liées entre elles et comportant une intrigue menée à sa fin. En 1703, oui, en 1703, il y avait encore un régime féodal en France où la royauté avait tous les droits, hein, censure, etc. Voilà. Bon, alors évidemment, toute ressemblance avec la situation actuelle est purement fortuite, bien entendu, hein. Ah oui. 1848, France. Les derniers insurgés de Paris sont battus. On compte 1500 morts. Il y aura 11 000 arrestations et 4 000 déportations en Algérie. Voilà. 1848, des gens qui se sont battus pour que l'on puisse vivre en République. Eh oui. 1869, France. À Lyon, les ovalistes, grévistes s'organisent. Une caisse de secours est mise sur pied. 1911, France. Le ministre de l'Agriculture adopte un projet de loi contre la fraude sur le vin. Mais il ne sera ratifié qu'en 1919. 1915, Arménien, Turquie. L'ordre de déportation des Arméniens est affiché dans les rues de Trébizonde, au bord de la mer Noire. Premièrement, tous les Arméniens, à l'exception des malades, sont forcés de partir dans un délai de 5 jours. Leur exil n'étant que temporaire, il leur est défendu de vendre leurs biens. Troisièmement, des logements convenables sont prévus sur les routes afin d'assurer leur confort. Les témoignages recueillis dans la suite prouveront le contraire. Cinquièmement, ceux qui se dérobent à la déportation, les personnes qui les auront abrités, seront traduits devant une cour martiale. Voilà le sort qui est réservé aux Arméniens, officiellement. On a vu que par la suite, ça a tourné tout à fait autrement. C'était un massacre, un véritable génocide. Il y avait déjà des abrutis en ce temps-là. Eh oui. Et il en reste. Et ils ont fait des petits. 1920, Espagne. Début de la grève du Rio Tinto. 1922, France. Les minoritaires de la CGT réunis à Saint-Étienne constituent une nouvelle centrale syndicale, la CGTU. CGT unifiée. Qui adhérera à la nouvelle internationale syndicale rouge. L'unité sera retrouvée à Toulouse en 1936. 1936, l'unité sera amenée de force par les militants des différents syndicats, qui, dont le mot d'ordre sera unité. C'est-à-dire que les états-majors étaient prêts à continuer leur petite bis-bis, leur petite chamaillerie, et la base en a eu marre, la base voulait changer de vie, la base voulait qu'on lui change la vie. 1945, ONU. La charte des Nations Unies est signée par 50 États. 1950, Yougoslavie. Le système d'autogestion est adopté. 1955, Afrique du Sud. Le Congrès des démocrates, l'ANC, l'African National Congress, et le SECTU, c'est-à-dire South African Congress of Trade Unions, adoptent la charte de la liberté en vue d'établir une république démocratique et sociale. Un vaste mouvement de libération nationale, une lutte contre les lois de l'apartheid. 1970, Tchécoslovaquie. Alexandre Dubček, le dernier leader du printemps de Prague, est exclu du Parti communiste tchèque. 1975, Inde. Proclamation de l'état d'urgence par Indira Gandhi. 1979, France. Création de la coopérative artisanale des LIP. On s'en souvient de ça, des LIP. Eh oui, ils avaient mené une lutte exemplaire à bien des égards. C'était des gens qui avaient de l'intelligence, du savoir, du savoir-faire, du courage, ouais, ils avaient du courage, eux. Eh oui. 1980, Salvador, les forces armées envahissent l'université, véritable forteresse révolutionnaire. 1981, Iran, Amnesty International déclare que, depuis la prise du pouvoir par Khomeini, 1600 personnes ont été exécutées. 1600 personnes ont été exécutées depuis l'arrivée au pouvoir de Khomeini en 1981. Voilà. Hein? Oui. Un religieux, un de plus, qui fait des atrocités, un de plus. Et le 27 juin, que s'est-il passé? Eh bien, en 1848, en France, à minuit, l'Assemblée nationale décide, sans discussion, la déportation dans les territoires français d'outre-mer de tous les individus qui ont pris part à l'insurrection et qui ont été jugés par un conseil de guerre. Ils sont 4000. Là encore, toute ressemblance avec des personnages, des situations qui se sont passées entre 1848 et 2016, et pour purement fortuite. Hein, voilà, l'histoire ne se répète pas. Non, parfois elle bafouille un peu. 1863, Espagne, soulèvement révolutionnaire à la Lora, près de Grenade. Il est dirigé par le disciple de Fourier, communiste utopique, Pérez de Alamo, et sera réprimé par l'armée. 1886, Russie, naissance d'Emma Goldman, juive, immigrée aux USA, anarchiste, regardée longtemps comme la femme la plus dangereuse d'Amérique. Eh oui, une petite bonne femme toute seule. Et elle était anarchiste, alors elle était la femme la plus dangereuse de l'Amérique. Ah, eh oui, il y a des mots qui font peur à certains, hein. Oui, ou ils font semblant d'avoir peur. 1890, France, à Revin, dans les Ardennes, les ouvriers de la veuve Poncelet. Ah, les ouvriers de la veuve Poncelet cessent le travail et exigent une augmentation de salaire. Ah ben, voilà qu'ils sont gonflés. Le départ d'une série de grèves dans les fonderies avoisinantes est donné. Voyez-vous ça. 1901, Italie. Un officier fait ouvrir le feu contre des paysans qui veulent empêcher le recrutement des briseurs de grève. Il y a 3 morts et 23 blessés. Une série de massacres de travailleurs commence. Quand on touche aux capitalistes, quand on touche aux possédants, ils sont capables de tout, y compris du meurtre. Du meurtre. Pour quelques poignées de billets, ils sont capables de tuer des innocents, ces gens-là. Eh oui. 1905, Russie. Pour la première fois, une unité importante des forces tsaristes, le cuirassé Potemkin, passe du côté de la Révolution. 1905, USA. À Chicago, 200 militants constituent The Industrial Workers of the World, cette nouvelle centrale syndicale, contrairement à la vieille Federation of Labor, dénonce ce syndicalisme de métier et de collaboration de classe. Oh là là là là, attendez, c'est 1905, hein. Et puis c'est aux USA, hein. Cette nouvelle centrale syndicale, contrairement, hein, dénonce ce syndicalisme de métier et de collaboration de classe. Syndicalisme de métier et de collaboration de classe. C'est pas moi qui l'ai écrit, hein. Ah, je ne fais que lire, hein. Elle lui oppose un syndicalisme de solidarité et de lutte de classe. Solidarité, lutte de classe. 1905, USA, hein. Je répète, hein. 1917, USA, début de la grève des mineurs dans la mine de Cooper Quinn. 1927, Mexique. Premier lockout de l'histoire ouvrière mexicaine, décidé par l'association patronale del Puerto de Veracruz. 1945, Turquie. Loi sur l'assurance en cas d'accident de travail, de maladie professionnelle et de maternité. 1972, France. Le programme commun de gouvernement est adopté par le Parti communiste et le Parti socialiste. 1972, ils sont arrivés au pouvoir en 1981, c'est-à-dire 9 ans plus tard. 9 ans plus tard, en ayant fait l'union. Alors, actuellement, la désunion fait que... Hein, vous avez deviné la suite, bien sûr. À moins que un sursaut des citoyens, parce que les politiques de métier, faut pas compter sur eux pour changer quoi que ce soit dans la société. Eux, ils sont tranquilles comme ils sont. Changez rien surtout, hein, pour eux, non, ça va bien, hein. Par contre, les 6 millions de chômeurs, eux, les gens qui sont dans la misère, bon, eux, ils ont intérêt à changer, bien sûr. Voilà. 1973, Uruguay. Dissolution du Congrès par le président qui prend les pleins pouvoirs, institue un état militaire de sécurité nationale. État militaire et de sécurité nationale, c'est la même chose, hein. Mais c'est pour que les gens comprennent mieux qu'ils disaient les choses comme ça. Hein, un état militaire, bon, les gens ont compris un peu, mais si on leur dit en plus de sécurité nationale, là, ils ont bien compris, hein. Alors là, ils savent qu'ils vont en baver pendant des dizaines d'années, sans doute. Et fait de son pays l'état le plus répressif de l'Amérique latine, notamment vis-à-vis des Indiens Tupamaros. Alors, à part des organisations comme Amnesty International, on n'a pas entendu grand monde se bouger. Si, il y avait des gens de gauche, vraiment de gauche, qui ont bougé, mais qui étaient très minoritaires, qui sont encore minoritaires, moins minoritaires qu'à l'époque quand même. Mais mais ça ne progresse pas vite. Pas assez vite. Pas assez vite, une vie, c'est court. Eh oui. 1977, Djibouti. Proclamation de l'indépendance de la République de Djibouti après que les électeurs se soient prononcés pour à 90%. C'est la fin d'un certain colonialisme. Mais il n'y en a qu'à inventer d'autres formes de colonialisme qui se remarquent moins, qui passent moins pour du colonialisme, mais qui rapportent toujours autant, hein, bien sûr. Le 28 juin. 28 juin 1833, en France, la loi Guizot sur l'instruction primaire, élémentaire et supérieure, privée ou publique. Elle est à l'origine des écoles communales. 1892, USA. La direction des aciéries de Pittsburgh ferme deux ateliers importants, provoquant un lock-out pour les centaines d'ouvriers. Une lutte de plusieurs mois va s'engager et s'étendre aux autres aciéries de Pittsburgh. Elle opposera adversaire farouche du syndicalisme, Henry Clary Frick, à l'Amalgamated Association of Iron and Steel Workers, groupant 25 000 adhérents. Elle aboutira à l'élimination du syndicat dans la plupart des aciéries de la région. Mais elle sonnera aussi comme un réveil pour l'ouvrier américain. Elle ne sera pas sans influencer les débuts de l'anarchisme. 1914, Autriche. L'héritier de la couronne, François Ferdinand, est abattu à Sarajevo par un jeune étudiant serbe déclarant faire partie d'un complot voulant libérer la nation serbe de l'oppression austro-hongroise. L'événement est regardé comme l'étincelle provoquant le déclenchement de la Première Guerre mondiale. Oh, c'est une étincelle, hein. Mais le carburant était déjà le mélange carburant-air comprimé était déjà dans le cylindre, prêt à recevoir l'étincelle déclencheuse. Hein? Oui, oui, oui. Si on n'aurait pas été cette étincelle-là, on en aurait sans doute trouvé une autre. Ben oui, les marchands d'armes trépignaient d'impatience. Les marchands de pansements et les marchands de cercueils et de jambes de bois aussi. Hein, ils attendaient leur heure. 1916, Allemagne. Suite aux manifestations du 1er mai, Karl Liebknecht est condamné par un tribunal militaire à 30 ans de forteresse. Des grèves de protestation éclatent à Berlin, Brunswick et Brême, en pleine guerre. Des grèves en pleine guerre, dans un pays comme l'Allemagne. Le ministère de guerre prussien prend immédiatement des mesures draconiennes pour empêcher la paralysie de l'industrie de guerre. Ah, l'industrie de guerre. Eh oui, sans elle, on ne pourrait plus faire des affaires. 1919, Allemagne. 5 ans, jour pour jour, après l'attentat de Sarajevo, la délégation allemande signe le traité de Versailles qui lui est imposé par les vainqueurs de la Première Guerre mondiale. 1921, Grande-Bretagne. Après 11 semaines de grève, une sorte de lock-out déguisé, les mineurs renoncent à leur revendication d'une caisse nationale des profits à partager. Leur lutte aboutit à un échec, mais de grands échecs, si l'on en sait toute la leçon précédente, souvent des succès plus grands. Pardon. 1927, Grande-Bretagne. Une loi limite la liberté syndicale pour l'introduction du délai de grève illégal. 1930. Ah oui, en Grande-Bretagne, en 1927, on voulait limiter la liberté syndicale. Ben oui, bien sûr. Hein, ça vous rappelle rien, ça? Ah ben, vous voyez, c'est qu'un éternel recommencement, l'histoire. Hein. Ah ben oui, on appelle les choses un peu différemment. Ça se passe pas tout à fait au même endroit, pas tout à fait de la même manière, mais quand même, il y a de toute façon, toujours les exploiteurs et les exploités. 1930, Vietnam. La révolte paysanne porte quelques fruits. Les contribuables n'ont plus besoin de se déplacer pour des voyages longs et coûteux pour payer leurs redevances. L'administration coloniale viendra les percevoir sur place. 1930, Vietnam. Qui est-ce qui dirigeait les choses au Vietnam en 1930? 1956, Pologne. Une série de grèves suivies de manifestations éclate à Poznan en pleine foire internationale. Les tanks entrent en action, tuant 53 ouvriers. Mais les partisans du changement gagnent du terrain. 1982, France. 2000 sidérurgistes lorrains manifestent à Paris. Ils protestent contre le plan de restructuration de la Société nationale des aciéries de Pompée. Ils pique-niquent sous la tour Eiffel, symbole avec ses 7000 tonnes de barres d'acier de la force de travail des ouvriers de Pompée en 1895. Alors, un point de détail technique, il ne s'agissait pas de barres d'acier, mais de barres de fer. Parce que Gustave Eiffel avait fait des calculs avec l'acier et s'était rendu compte que l'acier risquait d'être plus rigide et plus rigide que le fer, bien sûr, c'est normal, c'est pour ça qu'on fait de l'acier, hein, et, mais il risquait aussi, en cas de trop grand vent, d'être cassant. Hein, à force d'être dur, il finissait par être cassant. Donc il a préféré utiliser du fer, même si c'était moins dans le vent, moins à la mode, pour fabriquer la tour Eiffel. Voilà. Et depuis un siècle, on se rend compte que il avait sans doute eu raison de faire ce choix. 1982, Grande-Bretagne, grève totale des chemins de fer, sans résultat. 1983, Pérou, 25 000 mineurs et métallos se mettent en grève illimitée. Ils demandent la suspension de l'état d'urgence décrété fin mai. 1985, République fédérale d'Allemagne, le plus dur conflit social d'après-guerre prend fin. Après 6 semaines de grève, un accord conclu à Stuttgart fixe la durée moyenne du travail dans la métallurgie à 38h30. 38h30, République fédérale d'Allemagne, 1984. C'est une solution d'attente valable jusqu'au 1/9/1986. La première lanceuse d'alerte que j'ai rencontrée, c'est un mail que j'ai reçu avec un gros dossier de quelqu'un. Elle travaille en formation professionnelle. Et puis un jour, il y a le directeur de cette formation lui dit voilà, on va avoir une inspection du travail. Donc j'ai perdu toutes les listes d'émargement. Puisqu'il faut savoir que quand vous travaillez en formation professionnelle, donc vous avez des stagiaires qui viennent émarger, enfin qui viennent signer, etc. Et bien évidemment, plus vous avez de stagiaires, plus vous avez de fonds, c'est la région qui distribue, mais en fait ce sont des fonds européens qui arrivent sur la région et qui sont ensuite distribués dans les centres de formation. Son directeur lui dit, j'ai tout perdu, toutes les listes d'émargement, on refait tout. Donc voici, je ne peux pas encore en parler de son nom parce que malheureusement elle c'est pareil, il faut qu'on la protège un petit peu, mais on va l'appeler Jacqueline. Allez à fond la Jacqueline. Donc voilà ma Jacqueline qui est en train de signer des fausses listes d'émargement en fait, parce que son patron lui a demandé, elles sont deux ou trois à le faire. Et dans la tête de ma Jacqueline, il y a quand même un moment où elle se dit « Mais attends, je suis en train de faire un truc qui n'est pas très légal, quoi. Je suis en train d'imiter des signatures de gens qui sont venus ou pas à ma formation. » Donc, elle se dit « Bon, je vais quand même aller voir à la région, puisque c'est eux qui nous donnent l'argent. Je vais quand même aller dire que voilà, moi, je ne veux pas être faux usage de faux. Ce n'est pas mon truc, quoi. » Et donc, elle y va. Et puis, on se rend très vite compte que la région dans laquelle elle va soutient évidemment le directeur et qui sont copains, etc. Donc, on lui dit « tais-toi », en fait. On lui dit « tais-toi ». Sauf que la région a bien évidemment prévenu le directeur et que le directeur lui dit « bah dis donc, toi, tu m'en fais par derrière. Donc, toi, je vais te licencier pour faute grave ». Et donc, elle dit « bah oui, bah alors, quitte à être licenciée, autant que j'aille au charbon jusqu'au bout ». Une enquête est ouverte. Moi, j'ai en ma possession le dossier SRPJ. Dans le dossier SRPJ, donc un dossier, une enquête judiciaire, le monsieur reconnaît avoir détourné 1 700 000 euros. Bon, ben voilà, il accepte le fait qu'il... voilà, le procureur met un non-lieu. Cet homme ne sera jamais jugé. Ma Jacqueline, elle prend 8 mois de prison avec sursis pour faux usage de faux. Elle avait 52 ans à cette époque. Quand on est formateur professionnel, on est recruté par la région. Donc autant vous dire qu'elle a été blacklistée dans sa région. Que du coup, elle s'est retrouvée au RSA au bout de quelques temps, puisqu'elle n'avait plus droit à rien. Qu'elle a perdu ses procès au prud'homme, qu'elle a perdu donc ce procès face à cet homme-là, etc. Une vie brisée. La dernière fois, je suis allée avec elle, je me suis rendue avec elle. Elle avait refait au prud'homme, elle avait fait appel en fait. Elle a perdu. Quand je l'ai eu au téléphone, elle m'a dit il ne me reste plus qu'à me suicider, puisque là, je suis même un poids pour mes propres enfants. C'est eux qui me payent à bouffer aujourd'hui. Voilà. Aujourd'hui, on broie l'honnêteté des gens, en fait. Voilà. On demande aux gens de ne pas être honnêtes. Ce troisième numéro de Pas vu à la télé, nous recevons Héloïse Lebourg, qui a la double qualité d'être une journaliste indépendante et quelqu'un qui a touché de près le dossier des lanceurs d'alerte, c'est-à-dire cet endroit de la société où des gens prennent des risques considérables pour rester en accord avec eux-mêmes et avec leur morale de la vie en commun. Bonjour Héloïse. Bonjour. Merci d'être venue. Alors on commence tout de suite par le zapping. En anglais, on dit un whistleblower, littéralement celui qui souffle dans le sifflet. Ce sont des gens dont ce n'est pas le métier de parler et qui risquent de perdre leur travail s'ils donnent une information interne à leur entreprise. C'est une femme médecin en France qui dénonçait les effets secondaires catastrophiques d'un médicament, le Mediator, prescrit comme amaigrissant mais responsable, a priori, de graves complications cardiaques ayant causé le décès de centaines de patients. Eileen Chubb, elle aussi, a tout perdu après avoir dénoncé avec 6 de ses collègues les exactions dont elle fut témoin lorsqu'elle était employée dans une maison de retraite gérée par le groupe Bupa, une multinationale du secteur de la santé. S'il n'y avait pas eu de donneur d'alerte déterminé, on n'aurait jamais mis fin au scandale du sang contaminé. On peut parler des prothèses mammaires, PIP. Oui, oui. C'est aussi un ouvrier lanceur d'alerte, donc ça peut être n'importe qui. UBS a porté plainte contre moi pour avoir osé poser des questions sur le démarchage illicite, l'évasion fiscale, et ça m'avait valu de me retrouver au tribunal. Selon l'enquête en cours, UBS aurait dissimulé plus de 12 milliards d'euros au fisc français via des comptes offshore. Scandale du Wikileaks avec, dans le rôle du principal donneur d'alerte, le soldat Manning, actuellement jugé pour avoir révélé par milliers des documents militaires sur la guerre d'Afghanistan. Ils prennent leurs risques, mais ils se trouvent d'abord seuls et ils ont beaucoup de mal ensuite à retrouver un emploi, à retrouver du travail, etc. Vous faire craquer. On n'attend que ça de vous, puisque vous êtes une miette devant cette multinationale ultra puissante. Plusieurs ONG se sont rassemblées au pied de la Commission européenne pour réclamer une meilleure protection des lanceurs d'alerte. Antoine Deltour, à l'origine des fuites sur le LuxLeaks, et le journaliste Édouard Perrin, qui a relayé ces informations, sont tous deux poursuivis par la justice luxembourgeoise dans cette affaire. Si nous ne comprenons pas les intentions politiques, les pouvoirs et les moyens exacts utilisés par ceux qui nous gouvernent, les choix nuisibles qu'ils font en notre nom, si nous ignorons tout ça, alors nous ne sommes plus des citoyens, mais des gens assujettis à ces gouvernements. Bon, alors c'est le moment de présenter mon invité, Héloïse Lebourg, qui est journaliste au site En Ligne Reporter. Elle est aussi à l'hebdomadaire Politis, que tout le monde connaît l'un et l'autre, et elle participe à de nombreux médias. Je le précise pour signifier que ce n'est pas quelqu'un qui est en dehors du système médiatique, elle est dedans, a une place particulière, mais c'est ce qui va donner du prix à son regard, car c'est un regard de professionnel. Et d'un autre côté, elle est à l'initiative d'un site lui-même qui s'appelle Mediacop. C'est un site qui s'appelle Mediacop, à ne pas confondre avec Mediascope, qui travaille avec moi, comme chacun le sait. Et ce site est le point de départ d'un système plus large de rencontres pour l'indépendance des médias. Et c'est dans ce cadre qu'elle-même, dans ses enquêtes, produit une série de 6 films sur les lanceurs d'alerte. Donc j'ai trouvé la bonne personne qui peut à la fois parler du système médiatique et des lanceurs d'alerte avec un regard de l'intérieur. Bon, j'ai tout dit, Héloïse, il manque. Oui, c'est pas mal, c'est pas mal. Vous êtes un bon journaliste, c'est bien. Merci. Oui, non, c'est bien. Effectivement, la seule chose, c'est que vous dites que Mediacop est à l'initiative. C'est pas vraiment ça. Mediacop fait partie de la coordination permanente des médias libres. Cette coordination permanente des médias libres regroupe 70 médias indépendants en France, puisqu'effectivement, nous sommes quand même assez nombreux à lutter pour l'indépendance des médias. Et notamment sur ce thème des lanceurs d'alerte, c'est très important d'avoir un média indépendant pour pouvoir dénoncer les choses, effectivement. C'est ce qu'on va voir maintenant. Alors on est sur les lanceurs d'alerte, un mot, on va dire que je parle beaucoup, pour expliquer comment moi j'en suis mis à m'y intéresser, parce que sinon, comme beaucoup de gens, je serais passé à côté, tellement le mur est épais qui sépare les lanceurs d'alerte de l'opinion publique et des décideurs politiques. Pour moi, le point de départ, ça a été la rencontre avec Assange. Et je n'en revenais pas que quelqu'un qui ait rendu un tel service à notre pays et qui ait quand même fait le béaba du journalisme, c'est-à-dire donner à voir, permettre de savoir, soit traité comme il est pour finir enfermé dans une ambassade dans laquelle il est coincé depuis plus de 2 ans, je crois maintenant, ou 3 ans. Et puis ça, c'était ma première alerte sur les lanceurs d'alerte. Et la deuxième, ça a été à Moussaron. Et justement, bon, j'ai une question sur Moussaron, puisque je m'y suis rendu et donc j'ai sélectionné dans les questions qui nous ont été proposées celles qui venaient sur ce thème, peut-être pour permettre de commencer notre échange. Bonsoir. Bonsoir Héloïse, bonsoir Jean-Luc. Le Parti de gauche et la Commission Enfance se battent depuis maintenant le 1er novembre 2013 aux côtés des lanceurs et lanceuses d'alerte de Moussaron qui ont révélé des faits de maltraitance graves sur des enfants en situation de handicap. C'est une affaire malheureusement qu'on a eu du mal à médiatiser alors que pour nous c'est une lutte emblématique autour de la bientraitance et de la bienveillance auprès de ces enfants et pour, je dirais, des soins adaptés à leur situation et à leur handicap. Donc moi, ce qui m'intéresserait de savoir, Héloïse, c'est comment tu as eu connaissance de cette lutte et surtout, pourquoi tu as décidé de faire le premier film sur les lanceurs d'alerte sur cette lutte. Merci. Alors, c'est simple. Effectivement, c'est en 2013 que ça a été un petit peu mis sur la place publique, cette affaire Moussaron, mais ça remonte déjà bien plus longtemps, puisqu'il y a déjà eu deux autres lanceurs d'alerte avant celle de 2013. Comment j'ai été au courant? C'est tout simplement la lanceuse d'alerte Céline Boussier, dont on parle là, qui m'a alertée par les réseaux sociaux. Et en fait, je me suis dit... je sais pas pourquoi, j'ai eu un espèce d'instinct journalistique. Hein. Alors, c'est bizarre, hein, parce que les instincts journalistes, généralement, c'est pas terrible. Mais là, j'y suis allée, en fait. Je suis allée rencontrer Céline, qui était avec la lanceuse d'alerte de 99. Et elles m'ont raconté toute leur histoire. Elles m'ont donné un dossier épais comme ça, avec des mamans. Ouais, et avec, oui. Avec voilà, c'était effroyable, etc. Ah oui, bon. J'ai beaucoup pleuré. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à m'empêcher de pleurer devant tout le monde. Peut-être qu'il faut qu'on raconte l'histoire de Moussaron. Ouais, parce que, voilà. Alors, Moussaron, c'est un IME, c'est un institut médico-éducatif qui héberge des enfants malades, enfin handicapés. Et cette IME a des fonctionnements un peu étranges. Alors, on ne peut pas dire maltraitance. Si je vous dis maltraitance, je suis condamnée en diffamation. Puisque Europe 1 a dit maltraitance, une des journalistes de Europe 1 a prononcé le mot maltraitance et est condamnée en diffamation. Puisque Céline Boussier a dit maltraitance et qu'elle est condamnée en diffamation aujourd'hui. Donc, on n'a pas le droit de dire que c'est de la maltraitance. Alors on va parler de dysfonctionnement, d'accord. Puisque pour l'instant, la justice n'a pas tranché, en fait. Et donc, mais malgré tout, il y a eu des caméras cachées, des choses comme ça. Il y a eu une émission de Nicolas Bourgoin, de mes confrères, qui démontre vraiment ces dysfonctionnements. Donc je ne sais pas, moi, en tant que être humain, en tant que maman, quand on couche un enfant qui fait 1m60 dans un lit d'1m20 et qui ne peut pas tendre ses jambes, c'est pour moi de la maltraitance. Quand on met des enfants sur des pots le matin, les uns en randonnion, les uns à côté des autres, sans qu'il y ait le respect de la... qu'il y ait le respect de pudeur, etc., c'est pour moi de la maltraitance. Bon, pour l'instant, la justice n'a pas tranché. Donc, à un moment donné, y a des salariés qui ont considéré que c'était intenable. Parce que c'est intenable, quand on y bosse, quoi. Et donc, qui ont alerté. Et cette alerte, eh bien, ça a coûté bien évidemment un licenciement pour faute professionnelle. Ça a coûté des menaces, ça a coûté des procès en voiture, voilà. Ça date depuis 95. Premier lanceur d'alerte 95. Deuxième lanceur d'alerte 99. Bernadette 99 est condamnée. Aujourd'hui, c'est Céline Boussier qui prend le relais de cette affaire. Qui aujourd'hui est aussi accusée pour diffamation, qui est donc licenciée, qui est aujourd'hui vit au RSA, son simple tort, en fait, c'est d'avoir alerté. Et alors que la société civile, la société juridique, la société dans toute sa splendeur aurait dû la soutenir en disant oui, effectivement, ces enfants sont des enfants maltraités. Voilà. Bon, voilà, je vais en diffamation, je l'ai dit, tant pis. Je crois que je me suis on déjà de toute ça, façon. Ouais. Non, mais non. on le laisse, je m'en fous. Et donc, du coup, moi, quand j'ai rencontré. Donc, il y avait une maman dont le fils était mort à Moussaron. Il y avait une maman dont la petite fille, Maïlis, était en totale régression. C'est-à-dire que c'est un enfant, quand elle est arrivée à Moussaron, qui montait des escaliers, qui mangeait toute seule. Et quand la maman l'a récupérée le week-end, bavait, ne mangeait plus et ne pouvait plus marcher. Donc et voilà, et puis il y avait donc Céline et Bernadette. Et donc on a discuté. Et là, je leur ai dit, mais attention, là, vous êtes, faites attention, parce que si vous n'êtes pas entendu, c'est que la personne contre laquelle vous protestez, donc le directeur de l'institut, c'est quelqu'un de puissant. Et voilà. Et pour moi, la définition du lanceur d'alerte, effectivement, un lanceur d'alerte, c'est quelqu'un qui est censé alerter un dysfonctionnement dans son entreprise ou dans une structure, ou même un citoyen qui est censé alerter sur quelque chose qui ne va pas. Non. En fait, pour moi, un lanceur d'alerte, c'est le combat des faibles contre les forts. On en est là, en fait, aujourd'hui. C'est-à-dire que si vous avez raison, mais que vous êtes contre quelqu'un de plus fort que vous, c'est-à-dire contre quelqu'un qui est protégé, qui a, pourquoi pas, le procureur de la République avec lui, qui a, pourquoi pas, les meilleurs avocats, qui a, pourquoi pas, des hommes politiques, par exemple, etc., qui vont le soutenir, eh bien, les gens, même s'ils ont raison, auront tort. Voilà. Pour moi, c'est vraiment ça. Et ça m'a révoltée. Alors, il faut savoir que en tant que journaliste, moi, j'ai fait mon enquête, c'est-à-dire que voilà, sinon c'est trop facile. N'importe qui peut se dire lanceur d'alerte et peut dénoncer plein de choses parce qu'il est fâché avec son patron, parce qu'il est fâché avec son collègue, etc. Donc, on a enquêté. Ça a mis un an et demi. Et au bout d'un an et demi, on a dit à Céline, voilà, nous, on a toutes les preuves, on a tout blindé, on a travaillé avec des avocats, on a travaillé avec avec l'ARS, l'Agence régionale de la santé, etc. Et on se rend compte que ce que tu dis, effectivement, c'est tu as eu raison de le faire, et ce que tu vis n'est pas normal. Et nous, ce qui nous intéressait, c'était ça. C'était en fait cette descente aux enfers que vivent les lanceurs d'alerte aujourd'hui en France. Aucune protection, véritablement. Bon, moi, je me permets de t'interrompre une seconde, parce que dans l'affaire Moussaron, ça a été très loin. De cette petite lanceuse d'alerte est arrivée jusqu'à l'ONU. C'est ça. Et l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, s'est exprimée sur le cas de Moussaron en montrant que la France ne traitait pas correctement les enfants dans cet institut médico-éducatif. Et bon, c'est quand ça. Même, ça vaut la peine d'être dit, c'est énorme comme conclusion, ouais. Comme impact de l'alerte lancée. Oui, c'est ça. C'est, en fait, l'ONU, en parlant du mauvais traitement sur les enfants, a pris comme exemple Moussaron. Alors après, on espère que ça va avoir un impact effectivement sur la suite pour les lanceurs d'alerte. Maintenant, est-ce que les gens qui ont poursuivi en diffamation des particuliers en France ont aussi protesté et poursuivi en diffamation l'ONU? Ben voilà, c'est la question que Céline justement a mis dans un de ses communiqués de presse, c'est je sais, hein. En disant ben, si moi ce que je, si c'est pas moi qui le dis mais l'ONU qui le dit, est-ce que vous allez en Bien diffamation sûr. Les puissants ne s'attaquent qu'aux faibles, jamais à plus puissants que. Vitesse. Alors bon, pour terminer ce premier tour, j'ai une question justement sur le statut de ces lanceurs d'alerte. Alors on écoute. Bonjour Héloïse et Jean-Luc, une petite question sur le droit maintenant. Pensez-vous que les lanceurs d'alerte sont suffisamment protégés par le droit français? Bon, alors... C'est une très bonne question. Ouais. C'est une très bonne question parce que, alors, effectivement, vous avez certainement entendu parler de Sapin qui annonce qu'il va faire une loi anticorruption et que donc il va protéger les gens qui vont pouvoir agir contre la corruption, en tout cas dénoncer la corruption. Bon, ok. Vous avez peut-être entendu parler de cette loi de la protection des sources des journalistes qui devrait inclure les lanceurs d'alerte, mais pas ceux de la finance, parce que ceux-là, on va peut-être se les garder. Comment quand même. Pourquoi pas ceux de la finance? Parce que, à mon avis, voilà, il y a. Mais c'est dit comme ça? Oui. Enfin, en tout cas, il y a une énumération, c'est-à-dire qu'il y a effectivement le médico-social, etc. Mais on s'en fiche de ces lois, on s'en fiche parce que de toute façon, encore une fois, c'est la loi du plus fort qui gagne. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire. Bah non, je ne suis pas d'accord, mais on ne s'en fiche pas de la loi. La loi, c'est la liberté qui opprime et la loi qui protège, ouais, disait la Corbière. Donc, bien sûr. Avoir des bonnes lois, c'est important. Oui, mais ça, c'est dans. Dans les textes, en fait. Par exemple, à Moussaron, dont on parlait, il est interdit de maltraiter un enfant. Et pourtant, à Moussaron, c'est ce qui se passe. Parce que voilà, il y a des protections des uns des autres, etc., qui font que s'il y a quelqu'un qui embête, eh ben on le massacre. C'est ça. Puis un effet de système, comme j'ai rien dit à tel moment, alors je peux rien dire maintenant. Exactement. Et donc comme je peux rien dire maintenant, bon, autant que personne ne dise rien. Donc on voit l'effet de système qui peut se construire. Pour un, nous. Un exemple, pardon. Oui. Non, j'ai pas l'habitude de couper des hommes politiques, ça me fait plaisir, je me lâche. un exemple, c'est par exemple dans l'Institut Moussan, on pourrait parler de celui des Grillons, par exemple, à Montluçon aussi, enfin voilà, où il y a des gens qui alertent sur donc des cas de maltraitance. Et puis finalement, tous les collègues, tous les salariés sont d'accord avec ce que disait le lanceur d'alerte. Mais aucun ne veut prendre le risque. Parce que quoi ? Parce qu'un lanceur d'alerte aussi, il sert à montrer l'exemple. C'est-à-dire, regardez, si vous parlez sur mon entreprise, si vous parlez sur ma structure et si vous en dites du mal, regardez ce qui va vous arriver. Il va vous arriver ce qu'il arrive à Céline Boussier ou à Sylvia Garcia à Montluçon. C'est-à-dire, vous allez être licencié, vous allez perdre votre travail, vous allez perdre votre honneur par la même occasion, parce qu'autant qu'on vous insulte un peu par... voilà. Et puis vous allez perdre vous allez perdre pied, parce que quand vous êtes massacré comme ça par le système, c'est compliqué de remonter. Donc malheureusement, la majorité des lanceurs d'alerte que je rencontre, ce sont bien évidemment des gens qui combattent parce qu'ils ont des valeurs, parce qu'ils savent ce qui est bien de ce qui n'est pas bien pour cette société, mais qui en même temps n'ont pas un courage, du courage, mais pas suffisamment pour qu'on ne les broie pas. Donc c'est des gens qui se retrouvent à un moment donné à aller chez un médecin parce qu'ils sont en déprime, parce qu'ils n'en peuvent plus, parce que c'est un burn-out, enfin voilà, parce qu'ils sont seuls à lutter contre tous. Donc est-ce qu'il y a des lois aujourd'hui en France pour, parce que je rebondis sur la question du coup, pour protéger les lanceurs d'alerte? Oui, on commence à en parler. Oui, il y a des choses qui se font malgré tout. Dans les faits, est-ce que c'est pratiqué? Non, voilà, en fait. Le cas du, la figure du lanceur d'alerte, pour quelqu'un comme moi, c'est une figure très forte, parce que moi, je prône la révolution citoyenne, donc ça veut dire que c'est une implication non seulement collective, mais de chacun pour le bien commun. Aucune de ces personnes n'a lutté pour elle-même. D'accord, celle de Moussaron, elle ne demande pas une augmentation de salaire. Je ne veux pas dire que ce soit indigne de lutter pour ses propres intérêts, ce n'est pas le sujet, mais ce n'est pas pour ça. Elles ont tout exposé par esprit civique, par sentiment humain, et à la fin, elles prennent un maximum de coups. Alors, ça va soulever deux séries de questions que je voulais vous poser, parce que vous avez fait une série de films. Déjà, si vous pouviez dire quelques mots de cette série de films, et après... Je viens sur mes deux questions, si vous voulez bien. Ok. Eh bien, en fait, la première lanceuse d'alerte que j'ai rencontrée, ce n'est pas à Moussaron. La première lanceuse d'alerte, c'est un mail que j'ai reçu. Donc, on reçoit parfois des mails cryptés quand on est journaliste. Et j'ai reçu un mail avec un gros dossier de quelqu'un qui travaillait en formation professionnelle. J'ai envie de raconter son histoire parce qu'elle est vraiment l'exemple et elle image vraiment ce que c'est qu'un lanceur d'alerte. Elle travaille en formation professionnelle. Et puis un jour, il y a le directeur de cette formation lui dit « Voilà, on va avoir une inspection du travail. Donc, j'ai perdu toutes les listes d'émargement. » Puisqu'il faut savoir que quand vous travaillez en formation professionnelle, donc vous avez des stagiaires qui viennent émarger, enfin qui viennent signer, etc. Et bien évidemment, plus vous avez de stagiaires, plus vous avez de fonds, c'est la région qui distribue, mais en fait ce sont des fonds européens qui arrivent sur la région et qui sont ensuite distribués dans les centres de formation. Et j'ai tout perdu, il lui dit. Son directeur lui dit, j'ai tout perdu, toutes les listes d'émargement, on refait tout. Donc voici, je ne peux pas encore en parler de son nom parce que malheureusement elle c'est pareil, il faut qu'on la protège un petit peu, mais on va l'appeler Jacqueline. Allez, appelons-la Jacqueline. Donc voilà ma Jacqueline qui est en train de signer des fausses listes d'émargement en fait, parce que son patron lui a demandé. Elles sont deux ou trois à le faire. Et dans la tête de ma Jacqueline, il y a quand même un moment où elle se dit « Mais attends, je suis en train de faire un truc qui n'est pas très légal, quoi. Je suis en train d'imiter des signatures de gens qui sont venus ou pas à ma formation. » Donc, elle se dit « Bon, je vais quand même aller voir à la région, puisque c'est eux qui nous donnent l'argent. Je vais quand même aller dire que voilà, moi, je ne veux pas être faux usage de faux. Ce n'est pas mon truc, quoi. » Et donc, elle y va. Et puis, on se rend très vite compte que la région dans laquelle elle va soutient évidemment le directeur et qui sont copains, etc. Donc on lui dit tais-toi, en fait. On lui dit tais-toi. Sauf que la région a bien évidemment prévenu le directeur et que le directeur lui dit dis donc, toi, tu m'en fais par derrière, donc toi, je vais te licencier pour faute grave. Et donc elle dit alors quitte à être licenciée, autant que j'aille au charbon jusqu'au bout. Et donc elle va aller voir l'inspectrice du travail. Et l'inspectrice lui dit mais de toute façon je ne suis pas dupe parce que je n'ai jamais vu des listes d'émargement toutes signées avec le même stylo. Et donc elle vient refaire une visite inopinée un petit peu cette directrice du travail. Et puis elle se rend compte effectivement qu'il y a un truc, quoi. Donc elle se met avec Jacqueline. Et elles vont essayer d'aller de mettre ça au tribunal, enfin devant la justice. Une enquête est ouverte. Moi, j'ai en ma possession le dossier SRPJ. Dans le dossier SRPJ, un dossier, une enquête judiciaire, le monsieur reconnaît avoir détourné 1 700 000 euros. Il reconnaît que les listes d'émargement, on les a bien trouvées dans son garage en fait privé, qu'il les avait cachées et qu'en fait, il en avait refait faire des fausses pour avoir un peu plus d'argent, etc. etc. Bon, il accepte le fait qu'il... le procureur met un non-lieu. Cet homme ne sera jamais jugé. Ma Jacqueline, elle prend 8 mois de prison avec sursis pour faux et usage de faux. Jacqueline, elle avait 52 ans à cette époque. Quand on est formateur professionnel, on est recruté par la région. Donc autant vous dire qu'elle a été blacklistée dans sa région. Que du coup, elle s'est retrouvée au RSA au bout de quelques temps, puisqu'elle n'avait plus droit à rien. Qu'elle a perdu ses procès au prud'homme, qu'elle a perdu donc ce procès face à cet homme-là, etc. Une vie brisée. La dernière fois, je suis allée avec elle, je me suis rendue avec elle. Elle avait refait au prud'homme, elle avait fait appel en fait. Elle a perdu. Quand je l'ai eu au téléphone, elle m'a dit il ne me reste plus qu'à me suicider, puisque là, je suis même un poids pour mes propres enfants. C'est eux qui me payent à bouffer aujourd'hui. Voilà. Aujourd'hui, on broie l'honnêteté des gens, en fait. Voilà. On demande aux gens de ne pas être honnêtes. Voilà. Et donc, c'est cette histoire-là qui m'avait vraiment marquée, parce que c'était une femme, en plus, absolument charmante, etc. Et qui, vraiment, je me disais, punaise, mais c'est pas possible. Il y a quand même une justice dans cette... C'est pas possible. Quand on fait des choses bien, on est récompensé, bien au contraire. On devrait pas se retrouver comme ça. On devrait avoir une médaille pour avoir fait ça. C'est quand même 1 700 000, c'est pas rien. Et voilà. Et elle, elle est foutue. Lui, il va très bien. Alors, dans ces conditions... Je pose la question, parce que finalement, c'est très déprimant ce que vous dites. Ah, mais c'est hyper déprimant. Bon, donc il ne faut rien faire, puisque à la fin, ça finit mal. Il n'y a pas de Tintin, il n'y a pas de joyeuse fin. Les gens sont mal, veulent se suicider. Donc, qu'est-ce qui fait que, malgré tout, on va jusqu'au bout? Et est-ce qu'on peut croire que ça va continuer, qu'on va trouver des courageux sans cesse pour le faire? Eh bien, qu'est-ce qui nous pousse à croire que ça va continuer? C'est la phrase de Céline, de Moussaron, qui m'a dit... Parce qu'un jour, je lui ai dit, en fait, la morale de cette histoire, c'est qu'il n'y en a pas. Et elle me dit, si, il y a une morale dans cette histoire, c'est que moi, je dors sur mes deux oreilles et pas les autres. Et ça, ça n'a quand même pas de prix. Alors, effectivement, elle est au RSA. Effectivement, ses deux enfants sont faits poursuivre à la sortie de l'école. Malgré tout, elle a quand même sa conscience pour elle, et ça n'a quand même pas de prix. Donc, à un moment donné... c'est justement ça qu'il faudrait changer dans cette société. C'est dire que ces gens sont des héros et pas des gens qu'on doit mettre sur le côté. Oui, on va voir pourquoi ils arrivent à cette situation pitoyable. Ça sera ma deuxième question. Mais avant, moi, je vais faire un commentaire politique, parce que je crois que si j'ai posé la question de savoir si ça valait la peine, j'ai ma conclusion sur le sujet. Je crois qu'une société, quelle que soit la qualité des règles, des lois, des normes qu'on aura édictées, ça n'existera jamais une société parfaite à 100%. Donc il y a toujours l'endroit où ça coince. Il y a des périodes où ça coince partout, comme en ce moment, puis d'autres fois où ça coince un peu moins. Et là où ça coince, la seule solution, c'est le courage individuel et l'insoumis. La personne qui refuse d'admettre qu'il y ait la petite voix qui lui dit « Ah, ben pourquoi tu vas prendre tous ces risques ?» Alors qu'il y a plein de raisons de rien faire. Il y a toujours 1000 raisons de rien faire. Donc je crois à ça, moi, à l'insoumission. Et deuxièmement, je crois que la réponse de Céline, c'est une démonstration très concrète de ce que j'appelle la vertu. Bon, qui n'a rien à voir avec les mœurs, hein, qui a à voir avec le rapport que l'on a aux autres, c'est-à-dire un état d'esprit qui fait que, entre deux choses insupportables, la plus insupportable est de participer au mensonge et à la souffrance des autres sans rien dire. C'est-à-dire que, au fond, il y a quelque chose d'héroïque, évidemment, dans ce qu'elle fait, et il y a aussi quelque chose qui est de l'ordre de la protection de soi, de sa propre dignité. Tu ne consens pas à participer à une action infâme. Et par conséquent, même si tu es derrière dans une grosse galère, il n'empêche que tu as commencé par refuser d'en être complice. Et ça, moi, je crois beaucoup à ça. Mais enfin, quand même, à la fin, ça pose quand même un problème. Alors, il faut que des gens se sacrifient, que des journalistes indépendants qui ont déjà... leur galère. Puis, je veux dire, si en plus ils manifestent un mauvais état d'esprit comme celui-ci, qui est d'aller chercher à embêter des gens en place qui sont bien braves, hein, c'est ce qu'ils diront tous, ça commence à faire beaucoup pour vous. Mais alors, comment se fait-il que le lanceur d'alerte ne rencontre jamais la grande machine honnête, éthique, indépendante, qui s'appelle le système médiatique, qui au contraire leur enfonce la tête dans le seau dès qu'ils peuvent. C'est-à-dire que face au système médiatique, tu as le droit d'alerter et de n'intéresser personne. Ensuite, si par hasard tu as percé le mur, on mettra du pour et du contre. 5 minutes pour la victime, 5 minutes pour le bourreau. Et si ça va trop loin, le couvercle se remet dessus. Alors que se passe-t-il? Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Parce qu'après tout, les gens de médias sont des êtres humains aussi, ils ont des enfants, ils ont des familles, ils ont aussi de la vertu à l'égard de la société. Et pourquoi, dans ces cas-là, ni la vertu, ni le devoir à l'égard des autres ne s'appliquent? Pourquoi le système médiatique est-il un mur au lieu d'être un appui? Parce que les lanceurs d'alerte, ils devraient compter là-dessus. Hein. Bien sûr. Alors, il y a une différence entre le système médiatique et le journaliste. Effectivement, le journaliste est un être humain qui a des enfants et qui a certainement une bonne éthique, vraiment. Mais quand vous travaillez pour des grands patrons qui sont amis avec les gens qui détournent de l'argent, qui maltraitent des enfants, qui vous pouvez pas le faire, vous pouvez pas le sortir. Céline, elle s'est, on parle encore de Moussaron, pardon, mais Céline a alerté Sylvia, par exemple, à Montluçon, parce que les grillons, c'est pareil. Sylvia, elle a alerté parce qu'un matin, elle est arrivée dans un IME, pareil, où un enfant, un institut médico-éducatif, pardon, où elle travaillait, et le matin elle arrive et elle voit un gamin qui est attaché contre un billard ou un baby-foot en contention, en fait, et en fait elle apprend qu'il a passé la nuit comme ça. Il a passé la nuit comme ça parce qu'il était un petit peu pénible, hein. Bon, peut-être très pénible, je ne sais pas, mais en tout cas il était tellement pénible que on a préféré l'attacher pendant toute la nuit. Et du coup, quand Sylvia elle a vu ça, elle a tout de suite fait en sorte que ça sorte, enfin que les autres, elle a été voir l'infirmière, le truc, le machin, et on a étouffé l'affaire, et c'est elle qui s'est fait licencier. Voilà l'histoire de Sylvia, par exemple, parce que je vous parle de ça, mais je sais que pour le coup, maintenant que je travaille avec les lanceurs d'alerte, j'en reçois tous les jours des histoires comme celle-ci. Alors après, il faut faire une enquête à chaque fois pour être sûr du vrai et du faux, parce que c'est un peu le problème qu'on rencontre en tant que journaliste. Mais en tout cas, ça, c'est une vérité. Et pourtant, vous avez un média local à Montluçon qui s'appelle La Montagne, qui n'a jamais pris la défense de Sylvia. Et même pour vous dire, je suis allée au procès de Sylvia où son avocat, qui est un très bon avocat, a plaidé en montrant la photo. Et elle a perdu. Elle a perdu. Parce que parfois, vous êtes contre des plus puissants. Et que ces puissants connaissent les puissants qui portent aussi les médias. Voilà, c'est ça. C'est que nous sommes... nous les petites gens, je m'inclus avec eux, hein, nous les petites gens, de toute façon, on perdra toujours à la fin, parce que je ne suis pas comme Fakir, hein, c'est pas nous à la fin qu'on va gagner, mais parce que on va se heurter à des gens qui, de toute façon, ont dans leurs mains la justice. Là vous ne m'avez pas répondu. Là vous êtes en train de me réexpliquer qu'on perdra tout le temps, ce que je ne crois pas. C'est ce que j'allais vous dire. Vous n'y croyez vous-même pas, parce que ce n'est pas vrai. À la fin, c'est toujours nous qui finissons par gagner. Alors, des fois, ça prend plus de temps qu'une vie humaine, mais jusqu'à présent, dans l'histoire, c'est toujours nous qui avons marqué les points à nos corps défendants. Mais vous ne me répondez pas. Quand vous dites les puissants en général, ce n'est pas ça la question, c'est les médias. Bah ça, ils font partie des puissants, les médias, aujourd'hui. D'accord. C'est pas moi qui l'ai dit, hein. Non, mais moi je le revendique. Non, mais bien évidemment, si on a créé la coordination permanente des médias libres, il faut savoir aujourd'hui que 90% de l'information est détenue par 7 personnes. Ces 7 personnes sont des vendeurs d'armes, sont des pros du BTP, ce sont pas des journalistes, ce sont pas des gens qui ont envie que la vérité elle éclate. Bien au contraire, ils sont là. C'est pas rentable, hein, de diriger une entreprise médiatique, c'est pas rentable. Donc pourquoi ils le font? Parce que ces gens-là, ils aiment bien l'argent quand même. Pourquoi ils le font? Ils le font pour pouvoir maîtriser l'information. Ils le font pas pour se faire de l'argent. On est dans cette société-là, en fait, aujourd'hui. Oui, mais d'accord, admettons que vous ayez raison. J'ai raison. Et que ces grands patrons de presse, qui à 7, possèdent 95% des médias de notre pays... soit des gens qui aient le souci avant tout de se protéger, mais après il y a toute une armée derrière. Je veux dire, pourquoi une femme qui a une petite paye, qui est dans un institut médico-éducatif, va détruire sa vie par compassion pour des enfants qui ne sont pas les siens. Celui-ci qui a été attaché à un billard, cette histoire que vous racontez, tel autre qui a été abandonné dans une pièce dans un état de dénuement abominable, comme ce qu'on m'a raconté. Bon, pourquoi cette humble personne est capable de le faire, et pourquoi quelqu'un qui travaille dans un grand média, avec les autres personnes parfumées, pourquoi lui il ne le fait pas? Pourquoi il ne le fait pas? Je ne sais pas, je ne fais pas partie de ces gens-là, moi. Il faudra leur demander à eux. Je ne sais pas, parce que peut-être ils ont des pressions de leur rédacteur en chef. Mais le rédacteur en chef ne va pas les frapper. Mais bien évidemment que Céline, elle a fait certainement aussi des pressions pour ne pas dire ce qui se passait à Moussaan. Mais elle a quand même fait. Mais elle l'a fait. Mais ce n'est pas son métier, lanceur d'alerte. Non. Journaliste, c'est un métier de lanceur d'alerte, en principe. Non, c'est vous qui me disiez il y a un instant. Moi, ce dont je suis persuadée aujourd'hui, c'est que mon métier, c'est celui d'être lanceur d'alerte. C'est-à-dire que c'est à nous de lancer des alertes. Pourquoi ces personnes ne le font pas? Parce que je sais très bien ce que je suis en train de faire en vous posant cette question. Parce que eux se présentent comme des héros de la vérité. C'est-à-dire que leur droit de nous insulter, nous les militants politiques, proviendrait du fait qu'eux sont des personnes absolument éthiques, indépendantes, personne ne fait pression sur eux. Et vous, vous êtes en train de dire exactement le contraire. C'est-à-dire que dans des cas où une personne a mis en jeu sa vie, son honneur, son métier, ses enfants, ce journaliste ou ce média le sait et personne ne fait rien. Donc ils ne sont ni courageux, ni éthiques, ni indépendants, ni libres. Alors après, je ne sais pas, on ne va pas faire... des généralités, moi, bien sûr. Voilà, moi je ne suis pas dans le corporatisme du tout, mais ceci dit, il y a certainement des très bons journalistes partout. D'ailleurs, Nicolas, qui a filmé en caméra cachée l'affaire Moussaan, il l'a fait pour Zone Interdite sur M6. À la base, c'est pas forcément... Je me souviens que c'est de là que mon intérêt est parti. Donc, s'il ne l'avait pas fait, rien, on ne saurait rien. Exactement. Donc, on est bien d'accord pour dire que le point de passage par le média de masse... Il est essentiel. Justement, il y a une question là-dessus. Il y a une question, en réalité, il y en aura un millier. Parce que tout le monde se pose la question. Comment se fait-il qu'on ne puisse pas avoir les médias libres et indépendants? Alors, et on écoute la question, parce qu'il le dit mieux que moi. Salut à vous, donc ma question est très simple. À votre avis, quelles mesures faudrait-il prendre pour que l'on ait des médias vraiment libres et indépendants? Ouais, c'est une bonne question. C'est la question de base, si on ne veut ni faire des généralités, ce qui est absurde, dire tous les journalistes sont insupportables et n'ont pas de morale, ce serait une généralité absurde. Qu'on ne peut pas mettre en cause le système, parce qu'après tout c'est la vie, me dit-on, hein. Alors à la fin, quoi? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Quel est votre avis, vous qui êtes sur le terrain, en train de faire ce travail, en tant que journaliste, d'éclaireuse et de lanceuse d'alerte? Alors, aujourd'hui, en France, effectivement, donc on l'a dit, il y a des médias de masse, et c'est ceux-là qui prônent l'information. Malgré tout, on a déjà plusieurs choses. On a le fait que, en France, sur notre territoire, nous avons beaucoup de médias indépendants. Il y en a beaucoup plus qu'on le croit. Alors, ceux-là, ils ont très peu de visibilité. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont aucun financement. Donc, nous, déjà, la coordination permanente des médias libres, donc qu'on coordonne, nous sommes allés au ministère plusieurs fois en disant « Vous donnez 14 millions d'euros à TF1. TF1 est un média privé. 14 millions d'euros, c'est sympa. Nous, médias indépendants, peanuts. » Donc, on a quand même réussi à avoir un peu de sous. On a eu une enveloppe d'1,5 million grâce à Jérôme Bouvier, qui est conseiller au ministère de la Culture. Et qui s'intéresse vraiment à l'indépendance des médias. Donc on est en pourparlers avec les politiques qui gouvernent aujourd'hui. Malgré tout, c'est pas beaucoup. Vous appuyez sur quelqu'un qui est au ministère de la Culture alors que les sous viennent de Matignon. Oui, et puis je vous parle d'un conseiller. Je suis même pas sûre que la ministre elle soit au courant. Ah si. Vous pensez? Je sais pas. Moi, j'y connais pas grand-chose. Mais toujours est-il que on est obligé de se battre pour avoir un peu d'argent. Parce qu'on estime, nous, enfin en tout cas moi, je vais parler à mon nom, que le pluralisme de l'information, c'est essentiel à la démocratie. Et que donc, ça doit être financé par l'argent public. Alors, il y a des médias indépendants qui sont contre ça et qui disent non, pour être vraiment indépendant, il faut surtout pas d'argent public. Bon, ça, c'est un truc en interne, un débat qu'on peut avoir, etc. Moi, je pense que vraiment, si on veut bosser, on a besoin d'argent. Et si on a besoin d'argent, on a besoin que ce soit l'État qui nous le donne, parce que ça fait partie de leur fonction, à mes yeux, que le pluralisme de l'information. Donc, comment faire ? Eh bien, mieux distribuer l'argent. À mon avis, ce que je ferais, moi, si j'étais présidente de la République, mais ce qui ne m'arrivera jamais, évidemment... Faut être candidat, déjà, pour oui, ça. Oui, est-ce non, que vous êtes candidat ? Non, pas du tout. Bon. Mais en tout cas, ce que je ferais, c'est que j'interdirais que ce soit des gens qui ne soient pas du tout dans notre milieu qui puissent diriger ou en tout cas avoir en sa possession des médias. Ça, pour moi, c'est pas normal. Enfin, en fait, bien un sûr. Média, il devrait appartenir à ses journalistes, il devrait appartenir à sa rédaction, il ne devrait pas appartenir à quelqu'un, un privé, à un Dassault ou je sais pas quoi, qui vient et qui nous dit ce qu'il faut qu'on fasse. Voilà. Vraiment, je pense que tout ça, c'est à remettre en question et que tant qu'on en sera là, alors. On va nous dire, oui, effectivement, on est en France et il n'y a pas non plus la censure la pire sur la planète. En même temps, sur la protection des sources et mais sur la... La pire, je ne sais pas, mais la plus habile, c'est clair, c'est que clair. Si. Oui, certainement. Mais en tout cas, sur la protection, je sais qu'on est dans les derniers... Enfin, sur la protection des sources et des lanceurs d'alerte notamment, on est tout en bas du tableau. Ça, c'est clair. Mmh. Bon, alors moi... Et vous, vous avez des idées ? C'est mon côté journaliste qui revient, j'ai envie de poser des questions. Oui, j'en ai... En général, elles ne sont jamais prises en compte parce que le corporatisme fait qu'à chaque fois, on me dit « Vous n'aimez pas les journalistes » et je suis obligé de me battre les flancs, on dit « Mais si, j'ai des amis journalistes, ça commence mal, quoi. » Ou bien, des généralités de cet ordre. « Vous n'aimez pas les médias » alors que je dirige moi-même plusieurs médias, mais leur suffisance et leur arrogance est telle qu'ils ne considèrent pas ça comme des médias. Il y a plus de visites sur mon blog chaque jour qu'il y a de lecteurs pour le journal Libération. Il faut quand même se rendre compte que le monde a beaucoup changé, mais eux ne sont pas au courant. Pour autant, je ne dis pas que tout média se vaut. Je pense que c'est ça le drame, c'est qu'on va arriver à un point où accéder à une information sûre va être un luxe, qu'il va falloir payer très cher. Et tout le reste, ça sera du bruit pour amuser la galerie et lui donner du sang, du sexe et des larmes, parce que paraît-il que c'est ça qui passionne le public, ce qui n'est pas vrai. Mais par exemple, là je vous rejoins sur le fait que c'est aux gens de presse de manier la presse. Oui, je le crois, comme vous. Et que ça ne peut pas être d'un point de vue extérieur à la presse elle-même. Ça ne veut pas dire que telle personne est disqualifiée. Mais bon, deuxièmement, ça serait bien si dans chaque média, il y avait un comité de rédaction. C'est pas vrai partout. Moi, j'ai été le premier surpris parce que j'étais journaliste à l'ancienne. Je croyais qu'il y avait... Non, il n'y a pas des comités de rédaction partout. Il y a un chef qui commande, passe des commandes et des ouaves qui courent partout pour amener le matériel. Donc je pense qu'il va y avoir un comité de rédaction. Trois, alors là, bon, après ça commence à devenir un peu plus discutable, je suis pour le vote. C'est-à-dire que je pense que le meilleur rédac-chef, c'est celui que ses pairs désignent. Et en particulier pour la télé publique, je crois que tous les téléspectateurs qui payent une redevance devraient pouvoir voter sur une liste d'aptitude. Je ne dis pas pour des passants dans la rue. Sur une liste d'aptitude pour choisir les directeurs de l'information, les directeurs des chaînes surtout. Voilà, moi j'ai proposé ça, je ne dis pas que ce soit le bon remède. Après, vous posez une autre question qui est importante, c'est le financement public. Et là, on peut que vous rejoindre. C'est absurde de financer des structures totalement privées et qui en plus dégagent des bénéfices, parce que sauf erreur, le groupe auquel appartient TF1 dégage des bénéfices extrêmement substantiels. Donc pourquoi subventionner des bénéfices ? Vous me direz, c'est bien ce qu'on fait avec le CICE et toutes ces choses, mais ce n'est pas normal. Donc en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'il y a de l'argent si on avait besoin pour les médias indépendants. Bon, et maintenant, il faut aussi évoquer la situation des journalistes eux-mêmes. Exactement. En tant que salariés dans la condition de production. Alors déjà, salariés, quand ils sont salariés, c'est déjà super bien. Parce que vous dites en tant que salarié, mais non. La majorité, moi je suis vraiment issue du parcours du journaliste... Vraiment comme tous, quoi. C'est-à-dire que j'ai fait une école de journalisme. J'arrête pas de dire que maintenant, j'apprends sur le terrain à déconstruire tout ce qu'on m'a appris là-bas. Mais en tout cas, quand on sort... Attends, on peut faire une pause. En tant qu'ancien ministre de l'enseignement professionnel, je voudrais dire qu'aucun diplôme de journaliste n'a été discuté centralement. Donc chaque école fait ce qu'elle veut et apprend ce qu'elle veut. Et c'est comme si moi, j'ouvrais une école de pâtisserie et j'enseignais ce que je voulais sans tenir aucune compte des règles de l'art. Je le dis pour dire ce que valent vos diplômes. Ouais, c'est ça. Bah, c'est ça. Mais écoute, c'est la vérité. Non, c'est vrai, c'est vrai. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand vous sortez d'école de journalisme, évidemment, votre papa et votre maman sont fiers si vous bossez à France Inter ou RTL. Donc, on fait tous nos stages là-bas. Et en fait, ce qui se passe, c'est que vous êtes totalement précarisé. C'est-à-dire que le but, c'est de... En fait, je crois que c'est fait exprès. Mais bon, j'ai pas de preuves et... comme je suis une journaliste avec une éthique, je ne veux pas dire de choses. Mais en tout cas, j'ai l'impression que de garder les journalistes dans leur précarité, en leur disant « si tu bosses bien », bah, donc précaire, ça veut dire être pigiste aujourd'hui. Donc c'est-à-dire 90 euros la journée de pige, quand on en fait 3 dans la semaine, on est vraiment content. Voilà où on en est aujourd'hui. Ou alors de faire tourner sur les plannings, etc., un peu partout en France, etc. Et on met la carotte en disant, bon, si tu fais bien ce qu'on te demande, peut-être un jour tu auras un CDD. Peut-être un jour un CDI, mais d'abord un CDD, peut-être un jour. Et peut-être un jour un CDI, mais ça, on est quand même peu nombreux. Et donc, du coup, quand vous avez 20-25 ans, que vous sortez d'école, et ben, vous avez vraiment super envie, et moi, ça, je comprends, vous avez envie de travailler, vous avez besoin de reconnaissance. De toute façon, vous faites rarement ce métier si vous n'avez pas besoin de reconnaissance. Donc, vous faites ce métier pour avoir un minimum de reconnaissance et peut-être un jour même être reconnu et connu, et pourquoi pas, voilà. Alors vous le faites et votre espoir, c'est vraiment d'un jour, je sais pas, être au journal de France Inter de 7h, quoi. Enfin, un truc, c'est top, quoi. Et donc, vous faites ce qu'on vous dit de faire. Vous faites des pastilles d'une minute sur un truc qui mériterait des heures. Vous faites, voilà, vous faites 5-6 sujets dans la journée parce que, voilà, alors que c'est pas vrai. C'est pas vrai. Quand on est journaliste, 5-6 sujets dans une journée, c'est impossible. Bien Quand sûr. Moi, je vais aller voir une militante féministe, par exemple, qui va aller me parler de plein de choses, ça me prend la journée parce que c'est dans ma tête toute la journée, parce que je vais aller fouiller des trucs, parce que je vais aller voir si ce qu'elle me dit c'est vrai, parce que je vais aller, voilà, parce qu'on va aller recouper les informations, parce que c'est important, parce que c'est intéressant pour les gens et que du coup, on n'a pas le droit de faire ça en une minutes, c'est pas possible. Et donc on vous fait faire ça, tac tac tac, pour un jour peut-être avoir un CDD, peut-être un jour un CDI. Et donc ces gens-là, ben, malheureusement on les voit, c'est ceux qui vont aller sur les lieux des attentats pour rester des heures à dire il ne se passe rien, il oui. ne se passe rien. Et il y a des millions de gens qui regardent cet homme dire il ne se passe rien. Mais c'est affreux parce que on est en train de démolir l'information véritablement. Mais on est là-dedans et passer à BFM TV à dire il ne se passe rien, c'est vachement bien pour les parents qui disent regardez, il y a mon fils à la télé, voilà. Et donc et le gamin est super content de lui parce qu'il a fait ça, mais c'est pas du journalisme. Et en fait c'est le drame aujourd'hui, c'est-à-dire que à force de précariser ces jeunes, et puis c'est moins jeune parce que ça dure des années malheureusement. Ben oui. Et ben du coup, on, bien évidemment que l'info elle peut pas être aussi bonne qu'avant. Bon, et, alors tout le monde a et compris. BFM TV. Vous êtes la lanceuse d'alerte à propos de la menace qui existe sur le système médiatique, de sa qualité, de l'information qu'il nous transmet. Alors je suis pas du tout la lanceuse d'alerte, on est vraiment nombreux à le dire, sauf qu'on n'est pas entendu. Et oui. Je voulais vous rassurer, personne n'est entendu. Ouais, okay. Parce que j'essaye de même, et vous avez vu quel personnage on a fait de moi. À la fin de ce travail, alors que je connais le métier, que je l'aime, que moi-même je le pratique à ma manière. Hein. Donc c'est vous qui avez raison à votre point de départ, c'est que c'est un système, c'est organisé pour que ça n'ait pas lieu autrement que comme ça. Bon, alors, quand même, moi je vous considère comme lanceuse d'alerte, parce que comme ça, ça va donner un peu de noblesse à cette démarche, parce que au fond, il n'y a pas de société réellement démocratique sans une information qui permet de décider en connaissance de cause. Évidemment. Alors, je ne veux pas conclure sans qu'on reparle de vos films, parce qu'ils sont importants et on va aller les regarder. Je pense que ceux qui nous auront vus tous les deux vous auront trouvé vous sympathique, et en tout cas dégageant assez d'honnêteté pour qu'on ait envie d'aller en savoir davantage sur ce que vous faites. Et là, ces 6 films, en les regardant, le regard change. Et l'intérêt qu'on a pour les autres va changer, mais aussi sur soi-même. Parce que si ces 6 personnes ont été capables de prendre tous les risques pour quelque chose qui, au bout du compte, ne leur vaudra rien d'autre que des ennuis à cette étape, et juste le bonheur d'être bien avec leur conscience, alors pourquoi chacun d'entre nous resterait-il muet et soumis devant l'intolérable? Et l'intolérable, il est là tous les jours, à chaque coin de rue, chacun peut être un héros. Bon, alors Héloïse, on va d'abord regarder la bande-annonce, et ensuite vous nous direz quelques mots de ces films, parce que c'est eux aujourd'hui qui sont les héros de notre entretien. Te retrouve du coup à postuler, j'imagine. Écoutez, je sais pas exactement par qui et comment j'avais eu connaissance de ce que l'établissement IME de Moussaron cherchait du personnel éducatif. Enfin bref, j'ai postulé là-bas. J'ai été reçue très rapidement et embauchée très rapidement. En fait, j'avais mes filles qui étaient scolarisées, je connaissais un infirmier et sur le parking de l'école, on a commencé à discuter. Il m'a dit d'envoyer mon CV à Moussaron, c'est ce que j'ai fait. Et puis quelques temps plus tard, voilà, mon entretien d'embauche s'est passé. Tu prends du plaisir à t'occuper de ces enfants-là, tu les vois un petit peu évoluer grâce à votre travail. Tu es l'UXP du coup là, Oui. Tu fais un travail d'éduc. Je fais un travail d'éduc-P, mais avec tous les inconvénients que je viens d'énumérer, à savoir qu'on a quand même pas mal de temps qui est mangé par des tâches qui ne devraient pas nous incomber. Et tu faisais les toilettes, les levées, les je repas. Faisais tout ce qu'il y avait à faire, puisque à Moussaron, on peut être éduc, AMP, fait de médico-psychologique, être soignante. Peu importe le diplôme, c'est le même job. Voilà. Il y a plus que ça. Non seulement on n'a pas de temps pour faire un travail éducatif avec les enfants, mais il faut savoir aussi que les équipements, etc., sont misérables. Il n'y a pas suffisamment de WC. Le matin, quand on lève les enfants au dortoir, on les met sur des seaux hygiéniques. Les uns à côté des autres, on enlève les couches, les pyjamas, on met les enfants sur des seaux hygiéniques. Du grand jeune homme de 18 ans à la petite bonne femme de 8 ans, en randonnant. Il y a dans la salle à manger du personnel, régulièrement, une affichette qui dit « Voilà, on va fermer l'établissement. On est en discussion avec la DAS, mais la seule condition, c'est que... » Ah oui, c'est ça, j'ai peut-être pas précisé. C'est que sur une de ces affichettes, il est dit « Il y a une condition à laquelle peut-être on pourra rester ouvert, c'est que les fautifs, les dénonciateurs quittent l'établissement. » Et c'est ce qui a mis en route... La délation et la persécution dont a été l'objet. D'avoir dénoncé Moussaron, c'était faire le choix de se suicider et de prendre des risques. Je ne le regrette pas aujourd'hui, j'assume ce que j'ai fait. Mais je ne comprends toujours pas la violence de ce que ça a enchaîné. Parce que après ce rapport, après la mise sous tutelle, a commencé un véritable lynchage et encore je suis gentille. C'est même pas du lynchage, j'ai pas de mots sur les réseaux sociaux. Et le premier mot qui m'était adressé, alors c'est très vulgaire, désolé, mais c'est pas mes mots. Premier message en public sur Facebook, donc n'importe qui peut le voir. À toi, espèce de grande salope, la roue tournera un jour et tu le regretteras. Et ça a été le début de la fin. Maintenant, je donne rendez-vous à tous ceux qui nous regardent derrière l'écran où l'on verra ces films. Il faut les regarder. C'est pas facile à avaler, vous allez voir. Hein. Je vous laisse le mot de la fin. Ouais. Juste revenir sur les 6 épisodes, effectivement. Donc, c'est pas que dans le médico-social. Hein. Il y a notamment un sur l'affaire Cahuzac avec Rémi Garnier, qui était le directeur des finances publiques à Agen et qui retrace vraiment tout son combat judiciaire. Juste pour la petite histoire, parce que je ne vais pas dévoiler notre film, mais juste pour la petite histoire, il a eu le droit de revenir à son travail 2 ans après la retraite. Enfin voilà, donc il a gagné le droit de retravailler, mais 2 ans après sa retraite, donc bah, il est en retraite, donc c'était trop tard. Cahuzac était quand même un gros pourri doublé d'un menteur de premier jour, parce que je l'ai eu en face de moi à un plateau, et il me dit les yeux dans les yeux, non, j'ai pas de compte secret, c'est inouï. Ouais. Et après ça, il avait toute sa mort, il me dit, vous êtes un homme seul, monsieur Mélenchon. Ouais, donc voilà, donc ces 6 épisodes vont traiter des lanceurs d'alerte dans tous les domaines, parce que c'est vraiment ça en fait, c'est-à-dire que des lanceurs d'alerte, vous l'êtes, on devrait l'être tout le temps. Il ne faut pas, enfin, parce que vous me trouvez pessimiste, mais je ne le suis pas du tout, parce que sinon je ne ferai pas ça, je ne ferai pas à ma perte, je le fais parce que j'y crois, et je crois à un truc, c'est que je crois au fait que si chacun d'entre nous se réveille et se dit maintenant, on ne se laisse plus marcher sur les pieds, maintenant on devient tous des lanceurs d'alerte et on arrête d'être d'accord, d'être complice, ou même de ne plus dénoncer sous prétexte que lui il est plus fort que moi. Il faut effectivement, c'est un peu comme les indignés, quoi. On est 99%, ils sont 1%, normalement on devrait gagner à la fin, quand même. Les indignés ou les insoumis, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup d'être venu, Héloïse Lebourg. Et vraiment, j'espère que ce petit moment passé ensemble appellera à regarder votre travail, qui est un énorme investissement personnel, financier. Au fond, vous aussi, vous avez sauté dans le vide sans savoir si vous aurez des ailes en route. Hein. Oui, mais c'est bon de se sentir vivant quand même. Bon, alors cette petite tradition d'émission veut que ça finisse par un coup de cœur. En réalité, c'est un coup de pub, hein. Mais enfin bon, on appelle ça coup de cœur. Là, il s'agit d'un film qu'on aura mis 8 ans à réaliser. Donc c'est une enquête comme aucun média ne peut se le payer. Si on faisait payer ça au prix coûtant, aucun média ne peut porter ça. C'est pour ça qu'il préfère aller expliquer qu'il ne se passe rien avec quelqu'un qui paye avec un lance-pierre dans les chaînes d'infos en continu. Ce film s'appelle Liquidation, il s'agit de la fin de l'usine Goodyear. Comment ça s'est passé, cette bataille homérique, parce qu'il y a deux entreprises chacune d'un côté de la rue, et les têtes dures sont d'un côté, et pendant 7 ans, leur patron va essayer de les briser. Et pendant 7 ans, ils vont résister, tenir bon, et pour finir, ils ont été vaincus dans des conditions qui sont un défi à toute morale et à toute règle de vie en société. Pour autant, comme on le sait, la lutte continue. Elle continue d'autant plus que, comme vous le savez, des condamnations terribles ont été prononcées contre les leaders du mouvement, qui sont absolument innocents de tout acte délictueux. Et c'est une première dans notre pays que des ouvriers soient condamnés à de la prison ferme pour avoir simplement défendu leur emploi et, au cas précis, défendu leur entreprise et, au moment extrêmement chaud, milité pour que les esprits se calment. Le résultat, c'est eux qui se retrouvent avec de la prison ferme. Donc, le film, il montre des choses, des tas de choses que le téléspectateur moyen ne verra jamais, parce qu'on va lui montrer des ouvriers furieux, on va lui montrer des gens qui coursent en chemise, hein. Et on ne va jamais l'aider à réfléchir. Ce film, justement, aide à réfléchir. Il ne vous dicte pas votre conclusion. Vous tirerez bien la conclusion que vous voulez. Vous pouvez décider que tous les gens que vous voyez dans ce film sont des exagérés. Mais au moins, vous saurez. Et vous pourrez vous rendre compte que, contrairement à ce que raconte le bon bourgeois d'habitude, la lutte sociale n'est pas une partie de plaisir. On peut dire que Mourad Lafitte présente ce film comme un film tract. Bon, c'est son expression. Moi, je crois que c'est un vrai film et que c'est un film qui donne à penser. Et quand on pense, on devient meilleur. Je réalise cette série de photos pour un quotidien. Nous sommes en 2007. À ce moment-là, je suis loin d'imaginer que débute un conflit social qui durera 8 ans. 3 présidents de la République se succéderont. L'un d'eux viendra même sur le parking de l'usine. Campagne électorale oblige. Va commencer pour moi une longue incursion dans ce monde ouvrier. Première victime sacrifiée au nom du libéralisme. Je scindrai l'hexagone muni de caméras, d'appareils photo, en passant par les tribunaux, correctionnels, prud'hommes, manifestations, piquets de grève, blocage d'usine. Défilera devant moi le cortège du monde du travail, son lot d'accidents, maladies professionnelles, de plans sociaux, l'oppression syndicale. Une longue quête. C'est là que tout a commencé. En 2007, la direction a décidé de fusionner enfin les deux usines, Goodyear et Dunlop, et au passage, modifier l'organisation du temps de travail. Le fait que Dunlop passe en 4-8, on a commencé à nous matraquer complètement chez Goodyear. Et un premier plan social a été donc mis en place par la direction de 460 salariés, à peu près. 8 salariés des Goodyear, militants de la CGT, ont été condamnés à des peines de prison ferme. Et ça faisait un demi-siècle que la justice n'avait pas condamné des militants qui ont agi à l'intérieur de leur entreprise pour défendre les droits des salariés à des peines de prison. Mon sentiment après 9 ans de conflit, c'est un énorme gâchis. Parce que c'était une entreprise qui tournait bien, c'est un groupe qui fait des milliards de bénéfices, mais qui n'en fait pas assez et qui veut délocaliser dans les pays à bas coûts. Qui veut. ma cité HLM, jusque dans ta campagne profonde, notre réalité est la même, et partout la révolte gronde. Dans ce monde, on n'avait pas notre place, on n'avait pas la gueule de l'emploi. Et je vous propose maintenant une petite revue de presse, vite fait, hein, on va peut-être s'en tenir quasiment au titre. Hein. Vosges Matin du lundi 27-6-2016, c'est-à-dire ce matin, un prix pour l'économie sociale et solidaire. Harmonie Mutuelle organise cette année la 3e édition du Trophée de l'économie sociale et solidaire qui vise à récompenser des associations ou coopératives qui mènent des actions dans les domaines de la prévention et de la promotion de la santé et ou de l'accompagnement et du soutien aux malades et aux personnes en situation de handicap. L'appel à projets est ouvert depuis le 1er mars dernier et se clôturera le 30 juin. Les vainqueurs se verront remettre chacun un chèque d'une valeur de 2000 euros pour le premier régional et 1500 euros pour le second. De surcroît, chaque lauréat, soit un par département lorrain, seront eux aussi récompensés à hauteur de 1000 euros au cours d'une manifestation territoriale spécifique. Vous voyez, il y a aussi des nouvelles positives. Le bâti lorrain a besoin de travaux. Et oui, il y a plein de maisons, de logements qui mériteraient d'être améliorés en ce qui concerne notamment le confort et notamment la consommation d'énergie. Parce que l'énergie, l'isolation thermique par exemple, ou le changement d'ampoule, etc., d'appareil, on le paye une fois. Alors que l'énergie, on va la payer toute sa vie. Eh oui, Alors, si on trouve le moyen de consommer moins, tout le monde y gagnera, la société, bien sûr, et puis chacun de nous en particulier. Alors, des repères. En Lorraine, le parc de logements est principalement composé de logements individuels. Un tiers des logements ont été construits avant 1915 et plus de la moitié avant 1945. Donc, ça veut dire tous ces logements-là, ils sont sans isolation thermique ou quasiment, ou vraiment très peu, hein. Ce parc est caractérisé par un fort taux de vacances, 8,5%. Il y a plein de logements qui sont inoccupés, plein de maisons qui sont inoccupées. Et pendant ce temps-là, il y a des gens qui dorment à la rue. Hein. Oui, c'est ça la société moderne, la société française. Gaz et fuel sont à plus de 50% les énergies de chauffage. Le bois est utilisé dans 12% des logements. Surtout dans les maisons d'avant 1949 et principalement dans les EPCI ruraux des Vosges et de la Meuse. Avec 46% de la consommation régionale d'énergie finale, la Moselle est le plus gros consommateur lorrain. Suivi par la Meurthe-et-Moselle, 31%, les Vosges, 16% et la Meuse, 7%. 2,2 milliards d'euros par an. C'est la somme dépensée chaque année par les Lorrains pour régler la facture d'énergie de leur logement, soit une moyenne de 1900 euros par an. C'est une moyenne. Ça veut dire qu'il y en a qui consomment, qui payent assez nettement moins, mais qu'il y en a par contre un certain nombre qui payent plus. Et bien plus, quelquefois. 273 000 ménages lorrains, 27,4%, sont touchés par la vulnérabilité énergétique liée au logement qui dépend de trois facteurs, le climat, l'état du parc de logement et le niveau de revenu. Tout autre chose, Arche, en immersion dans la ferme. Alors, en immersion, on voit toute une classe de petits bambins qui sont debout sur un tas de paille, enfin un tas plat, qui ont de la paille plein les mains et puis qui ont l'air d'être contents. Hein. Alors, que font-ils là? Ils font l'école buissonnière, sans doute. Ils sont pas à l'école. Alors, c'est pas ça. Les fermes pédagogiques proposent une multitude d'activités adaptées à tous les âges. Des activités souvent méconnues du jeune public et la rencontre avec les animaux notamment permettent aux enseignants de proposer à leurs élèves des situations ludiques mais aussi pédagogiques, riches de sens. Voilà des enfants qui sont heureux de visiter une ferme, qui sont heureux de jouer dans une ferme et qui peut-être, pour certains d'entre eux, auront envie plus tard d'être fermiers. Voilà, ça aide à choisir un métier, le fait d'apprendre à connaître les différents métiers. Hein, alors espérons qu'ils vont faire des stages aussi dans d'autres endroits, qu'ils visiteront une usine, un atelier de menuiserie, que sais-je, hein, un tissage, une filature, un bureau, voilà, hein, un chantier de bâtiment travaux publics, parce que ça c'est très intéressant aussi. Hein, hein, oui, il y a des garçons qui, s'ils découvrent ça, eh bien ils auront envie de faire ces métiers-là. Hein, oui, des garçons et des filles, parce que maintenant, tous ces métiers-là, tous les métiers sont mixtes. Hein, faut arrêter de se raconter des histoires. Cérémonie hommage aux déportés du Struthof. Dimanche matin au Struthof, la cérémonie nationale pour rendre hommage à tous les déportés morts dans les camps nazis a connu des moments d'intense émotion. Accueilli par d'anciens déportés, Jean-Marc Todeschini, secrétaire d'État chargé des anciens combattants et de la mémoire, a, dans son discours, fortement exprimé le souhait que l'État maintienne le souvenir de ce qui s'est passé ici, lieu de ténèbres hautement symbolique. Il a annoncé que l'État s'engagera pour acquérir l'auberge dans le domaine privé jusqu'ici qui abritait le siège de la commandante Tour, tout près de la chambre à gaz. Cet engagement est une première étape qui conforte le camp du Struthof comme lieu de mémoire incontournable. Alors ça, ceux qui n'ont jamais visité le Struthof, je vous recommande d'y aller. Alors évidemment, remontez-vous bien le moral avant, parce que quand vous reviendrez, vous aurez votre moral, il aura certainement baissé d'un cran ou deux. Hein. Mais il faut y aller quand même, parce qu'on ne peut pas voir que des choses agréables, des choses faciles. Il y a eu des choses intolérables qui se sont passées dans notre pays et dans d'autres. Et il faut le savoir et il faut se préparer à lutter contre ce genre de choses. De façon préventive d'abord, et puis autrement, si c'est nécessaire ensuite. Le temps, l'autre temps émotion, émotionnellement fort a été remis, la remise de la cravate de commandeur de la Légion d'honneur à François Amoudruz, âgé de 92 ans, déporté à Buchenwald. Il a été libéré le 8 mai 1945. On a entendu que ce monsieur ait 92 ans pour lui remettre une médaille. Hein, ouais, bon, là, c'est... moi, je ne serais pas fier. Hein. Je serais au gouvernement, je serais aux responsabilités. Je pense que je ne frimerais pas beaucoup. Un lièvre tue un chasseur. Alors ça, c'est dans la rubrique « Il y a 100 ans », dans l'Est, paru dans le journal régional. Semaine du 20 au 26 juin 1916. Un lièvre tue un chasseur, M. Albert G., cultivateur à la ferme de l'Ermitage, à Archette, quittait son habitation de grand matin armé d'un fusil. Il gagna bientôt les bois à proximité de sa maison avec l'intention de braconner. Il découvrit bientôt un lièvre pris dans un collet. L'animal vivant encore, M. G. résolut de l'assommer. Oubliant sans doute que son fusil était chargé, il le saisit par l'extrémité du canon et frappa le lièvre avec la crosse. Le choc fit partir le coup et le malheureux reçut la double décharge dans l'abdomen. Il eut encore la force de se traîner près de chez lui. Un médecin-major mandé aussitôt lui fit un pansement et ordonna son transport immédiat à l'hôpital. Accompagné par un infirmier, il fut placé dans une automobile ambulance, mais il expira pendant le trajet. Le malheureux, qui n'était âgé que de 47 ans, était père de 10 enfants. Voilà. Vous voyez, des histoires tragicomiques qui se passent. Alors, ce serait La Fontaine qui aurait écrit ça. On dirait, ah, c'est une fable, Monsieur de La Fontaine. Vous savez bien les tournées, les fables. Eh bien non, là, c'est une histoire vraie. Hein, bah oui, puisqu'elle est dans le journal, c'est que c'est vrai. Rationnement. Il ne sera plus distribué, alors il s'agit toujours de la semaine du 20 au 26 juin 1916. Dans un journal français, on a annoncé que, rationnement, il ne sera plus distribué à Berlin que 5 livres de pommes de terre par personne au lieu de 10. Il a été passé un engagement entre les marchés de Berlin et le gouvernement de la Pologne russe occupée pour l'importation des œufs en Allemagne. L'œuf se paiera Diepfennig. Voilà, vous voyez, ça allait mal hein, pour nos ennemis, les Allemands. Ah oui, ils étaient en train de commencer à mourir de faim. Eh oui, bah oui. Pour remonter le moral des troupes et des civils français, rien de tel dans un journal français que des mauvaises nouvelles concernant leur ennemi. Hein. Bah oui, ça s'appelle de l'information. D'autres appellent ça de la propagande. De la propagande. Alors la propagande, c'est de l'information qui est en partie fausse, mais qui est présentée de telle manière qu'elle paraît entièrement vraie. Le vrai et le faux sont mélangés habilement, de telle manière que ben, le public, il gobe l'ensemble. Eh oui. Alors, tiens, Jean-Luc Mélenchon disait « L'Union européenne, on la change ou on la quitte. L'heure du plan B sonne en 2017. Le Brexit est le cri du peuple du Royaume-Uni contre tout ce qui est la réalité quotidienne de l'Europe des traités, c'est-à-dire la pauvreté, la précarité, les privilèges pour les riches et ultra-riches, arrogance des donneurs de leçons de flexibilité et autres lois El Khomri, tyrannie sans visage des comptables de la Commission européenne, talons de fer des troïkas et autres proconsuls payant les pays comme la Grèce, par exemple. Mais... la Grèce n'est pas le seul à être pillée. La Grèce est pillée de telle manière que tout le monde s'en aperçoit. Les Grecs les premiers, mais les peuples voisins aussi, bien sûr. Et nous aussi, on devrait s'en apercevoir si on nous informait correctement. Le Brexit, c'est le début de la fin d'une époque. L'idée d'une Union européenne a été tuée par la caste des eurocrates et la politique d'austérité imposée par le gouvernement allemand avec la complicité active des deux présidents français qui, depuis 2005, ont violé le vote de notre peuple. Qui sont ces deux présidents-là? Ça serait pas Sarkozy et Hollande, par hasard? Oh, faudrait qu'on cherche dans les journaux, dans nos souvenirs, pour voir si ces deux personnages ne sont pas coupables de ces choses-là. La leçon est que l'Union européenne, on la change ou on la quitte. Comme d'habitude, les eurocrates préparent déjà plusieurs mois en secret avec Madame Merkel un nouveau traité pour 2017 qui ne tiendra compte d'aucune des leçons évidentes de la situation. L'heure du plan B va sonner. Ma candidature pour l'élection présidentielle, ma candidature de Jean-Luc Mélenchon, pas Bibi, hein, vous en doutez bien, ma candidature pour l'élection présidentielle est celle de la sortie des traités européens. Plus que jamais, l'intérêt de notre pays est celui d'une politique de coopération sur le vieux continent et avec le monde, plutôt que le libre-échange et la concurrence libre et non faussée. Parce que la concurrence libre et non faussée, eh bien, c'est des conditions de travail qui sont très diverses d'un pays à l'autre, des salaires qui varient de X à des dizaines de fois X selon l'endroit où on est sur la planète. Alors évidemment, la concurrence dans ces conditions-là, elle se fait toujours sur le dos du pauvre travailleur. Bien sûr, la caste des eurolâtres ne tiendra aucun compte de ce qui vient de se passer et continuera de fustiger les, entre guillemets, extrêmes et, entre guillemets de nouveau, le repli sur soi et l'amour des peuples pour leur liberté et dignité sociale. Plus dure sera la chute. L'élection présidentielle en 2017 en France en est l'occasion. Le temps que le disque démarre, c'est un vinyle, il a démarré, mais on entend. Il y a sans doute un problème de mécanique, alors je vous passe à autre chose en attendant. J'aurai le 22 à Agnières. Mademoiselle. S'il vous plaît. Mademoiselle, vous voyez pas que je suis en train de faire mes totos, non? Non, c'est à votre guichet qu'il faut s'adresser pour téléphoner dans le bureau de poste. Mais pourquoi vous répondez? Mademoiselle, oh, vous payez pas tout ça, les filles, non? Qu'est-ce que vous voulez? Je voudrais téléphoner. C'est bien, j'ai écrit téléphone au-dessus de mon guichet. Non? Qu'est-ce que vous voulez? Je voudrais le 22... Agnès. Allô? Bonjour Georgette. Je t'ai reconnu à la voix. Comment vas-tu? Si c'est Madeleine. Ça va? Non, mon Dieu, ça va. Où c'est que t'as été danser samedi? À la salle Wagram? Oh, moi, j'y vais plus. Oh non, c'est ton snob. Mais dis donc, pourquoi tu m'as appelé? Ah, c'est bon, moi, oh, mais t'es folle, c'est toi qui... Ah, oh, t'es plein, oui. Qu'est-ce que vous voulez, vous, là, là? Le 22 à Agnières. Alors, tu me passeras le 22 à Agnières, hein? Au revoir, chérie, au revoir. Je t'embrasse, moi, ça, c'est moi. Merci, madame. Ça va pas être tellement long. J'étais avec mon héros, j'ai travers, comme j'étais précis, j'ai toujours donné un coup de fil. Ça va m'avancer. Par contre, excusez-moi, mais je ne sais pas quelle excuse pour vous, monsieur. C'est vrai, excusez-moi de l'avoir, vous ce que vous voulez. J'aimerais avoir une fois Liège, monsieur Van der Broek. Van der Broek. Monsieur Van der Broek. Van der Broek. Van der Broek. 75. Van der Broek. Van der Broek. 75. Comment est-ce que vous dites? 75. 75. Comment est-ce que c'est ça, 75? C'est 95 moins 20. J'aimerais avoir le téléphone de M. Van der Broek. De Van der Broek, 75 boulevard. Mais ça a quelque chose. Impossible, Dom Flavien Gavre. Pourtant, pas Carousel. Mais c'est ça, je sais qu'il est charcutier. Pensez-vous que ce soit possible d'avoir, en connaissant sa profession? On va voir ça. Allô? Allô? Passez-moi Liège. Belgium. Le Liège, dedans, il faudra vendre. Comment il est votre vendeur? Il est broc. Il est broc. Alors, on croit savoir qu'il est charcutier. C'est pas sûr, ma femme. Alors, tu me le passes si tu l'as, hein? D'accord. Oui, t'as qu'à faire du charcutier, puis ça, il est déjà. Liège, cabine 3. Une chance, hein? Et mon aiguère. Tu te souviens, ouais? Pardon, je vais. Please. For San Francisco, 6307X7. Allô? Cabine radiophonique, oui? Pour San Francisco, en Pennsylvanie. Combien tu m'as dit? 6307. C'est ça, 6307 comme X7 à San Francisco. Yes, yes. Thank you very much. San Francisco, cabine 7. Et mon lumière. C'est vrai, j'ai demandé le 22 à venir, pas tellement, ça fait 2 km d'ici. Alors si vous aviez... Excusez-moi, ça... Bitte. Für Berlin. Fräulein, bitte sprechen Sie Deutsch? Ja. So. Für Berlin. Erkaufungsstraße 2, Alexanderplatz. Sprechen Sie? Ja. So, wie? Ja. Hallo? Passez-moi Berlin. Hallo, Berlin? Hier, grosse Paris. Garçon, vite. 2 Alexanderplatz. 2 Alexanderplatz. Karl von Straßen. Ja. Da, so. Berlin. Cabine 5. Wie viele? 5. Dankeschön. Bitte schön. Auf Wiedersehen. C'est New York. Vous voulez savoir ce que vous voulez? D'un seul coup, j'ai dit, tiens, je veux New York. Alors, passez-moi New York. Non, New York, tout simplement. New York, cabine 1. Et vous? Et le New York? Dites donc, vous ne pourriez pas me passer le 22, Agnès? Il faut se fiancer, se fiancer. et se marier pour avoir des enfants. C'est ce que leur ont dit leurs parents, le bedeau et même son éminence, l'archiprêtre qui prêche au couvent. Et c'est pour ça qu'elle danse. Les flamandes, les flamandes, les flas, les flas, les flamandes. Les flamandes dansent sans frémir, au dimanche sonnant. Les flamandes dansent sans frémir, les flamandes, ça n'est pas frémissant. Si elles dansent, c'est parce qu'elles ont 30 ans. Et qu'à 30 ans, il est bon de montrer que tout va bien, que poussent les enfants et le houblon et le blé dans le pré. Elles font la fierté de leurs parents et du bedeau et de son éminence, l'archiprêtre qui prêche au couvent. Et c'est pour ça qu'elles dansent. Les flamandes, les flamandes, les flas, les flas, les flamandes. Les flamandes dansent sans sourire, au dimanche sonnant. Les flamandes dansent sans sourire, les flamandes, ce n'est pas souriant. Si elles dansent, c'est qu'elles ont 70 ans, qu'à 70 ans, il est bon de montrer que tout va bien, que poussent les petits-enfants, et le houblon, et le blé dans le pré. Toutes vêtues de noir, comme leurs parents, comme le bedeau et comme son imminence, l'archiprêtre qui radote au couvent. Elles héritent, et c'est pour ça qu'elles dansent. Les flamandes, les flamandes, les flas, les flas, les flamandes. Les flamandes dansent sans mollir, au dimanche sonnant. Les flamandes dansent sans mollir, les flamandes, ça n'est pas mollissant. Si elles dansent, c'est parce qu'elles ont chantant, et qu'à chantant, il est bon de montrer que tout va bien, qu'on a toujours bon pied, et bon blond, et bon blé dans le pré. Elles s'en vont retrouver leurs parents, et le bedeau, et même son éminence, l'archiprêtre qui radote au couvent. Et c'est pour ça qu'une dernière fois elle danse. Les flamandes, les flamandes, les flas, les flas, les flamandes. Les flamandes, les flamandes, les flas, les flas, les flamandes. Les flamandes, les flamandes, les flas, les flas, les flamandes. Les flamandes. Alors il n'y a pas que les flamandes qui sont comme ça, hein. Regardez voir autour de vous, il n'y a pas que les flamandes. Eh non, eh non, eh non. Eh ben oui, des lourdingues, on en trouve partout. Et oui, dites-moi, deux heures, ça passe vite. Un procès déroutant. Du 26 avril au 11 mai, le procès LuxLeaks, qui s'est déroulé à Luxembourg, a été le premier grand procès de lanceurs d'alerte, premier grand procès de lanceurs d'alerte en Europe. Un procès déroutant qui a montré d'un côté l'impunité dont bénéficient les grandes entreprises et de l'autre la volonté et le courage des intéressés et des prévenus afin d'informer sur leurs pratiques amorales. Leurs pratiques amorales. Alors que les avocats de la défense ont demandé la relaxe, le procureur s'est montré intransigeant en requérant 18 mois de prison à l'encontre des lanceurs d'alerte. Le verdict du 29 juin. Le 29 juin, Antoine Deltour se présentera libre au tribunal correctionnel accompagné de ses avocats, tout comme Raphaël Allais et le journaliste Édouard Perrin. Une forte présence médiatique est attendue. Il sera important d'accompagner Antoine en nous mobilisant une nouvelle fois dans la cour du palais de justice dès 14h. N'hésitez pas à vous déplacer si vous pouvez, notamment en bus, pour les soutiens lorrains. Un rassemblement est aussi prévu à Paris. Le comité de soutien vous informera au plus tôt du verdict. Le tribunal ne délivrera la motivation écrite du jugement que quelques jours après son énoncé. Drôle de mœurs, enfin. À quand les lanceurs d'alerte protégés ? Le procès LuxLeaks est crucial car il contribue à établir une jurisprudence européenne sur les lanceurs d'alerte, mais c'est aussi sur le terrain de la législation européenne et française que les choses bougent. Malheureusement, pas toujours dans le bon sens. Le secret des affaires validé en Europe. Après le vote de la directive secret des affaires par le Parlement européen en avril, ce sont les 28 États membres de l'Union européenne, maintenant c'est 27, les 27 États membres de l'Union européenne qui ont définitivement validé le texte fin mai.